petit tour de table. Moi, je propose un petit cri de groupe, comme ça on va voir combien de personnes il y a. Ah, bah, on peut faire le cri ici, du mur, là. Qui écoute Azeroth.fr? Ouais. Qui écoute Wotaku? Ouais.